Exercice 6, page 104. A. Ils sont français. Ils vont en France. B. Ils sont thaïlandais. Ils vont en Thaïlande. C. Ils sont irlandais. Ils vont en Irlande. D. Ils sont argentins. Ils vont en Argentine. E. Ils sont anglais. Ils vont en Angleterre. F. Ils sont andalous. Ils vont en Andalousie.